Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi en 1815, Venise n'existe-t-elle plus qu'au pays des rêves? Comment analyser la cérémonie du retour à Venise des chevaux de Saint-Marc par l'Autriche qui occupe l'ancienne République qui avait été longtemps une ville libre, s'interroge Bénédicte Savoie. À quelles instrumentalisations du retour des œuvres volées et à quelle réappropriation plurielle assistons-nous? Bénédicte Savoie, titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle au Collège de France, professeur à l'Université technique de Berlin, analyse le phénomène des translocations d'œuvres d'art autour de 1815, quand le musée Napoléon, futur musée du Louvre, a dû restituer les chefs-d'œuvre qu'il avait conquis. Sa série intitulée 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art, nous transporte aux quatre coins de l'Europe et nous fait revivre les débats qui ont agité les villes et les pays européens autour des objets d'art qui avaient été saisis par les troupes révolutionnaires et napoléoniennes. Bénédicte Savoie nous propose de suivre cette semaine les œuvres quittant Paris et qui regagnent, quand c'est possible, leur ville d'origine, à défaut de retrouver parfois leur lieu de résidence, quand le monastère ou le château qui les abritait n'existe plus ou n'est plus considéré comme le meilleur lieu d'exposition. Elle rappelle que pendant l'absence des œuvres, de nouveaux concepts patrimoniaux, de nouvelles frontières, de nouveaux souverains ou de nouvelles structures d'accueil se sont formées qui rendent le retour compliqué, voire difficile. Ce n'est pas une simple relocation, dit-elle, mais on est face à des translocations, et c'est là qu'interviennent les deux termes cardinaux pour toute la réflexion sur cette question. Premièrement, l'intertemporalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé entre le moment du départ et le moment d'arrivée de l'œuvre. Et deuxièmement, l'idée de translocation, qui est la transformation que subissent les objets pendant leur absence et au moment de leur retour. L'historienne insiste aujourd'hui sur les couches de sens, de signification qui s'ajoutent sur les œuvres parce qu'elles ont été ou sont transformées en trophées, parce qu'elles sont reprises, parce qu'elles ont changé de statut scientifique. Et ici, la question de la restauration des objets d'art lors de leur séjour à Paris devient source de discussion, voire de vives critiques à l'égard des Français. Alors quel sens est donné au retour des œuvres? Comment, du fait des contextes politiques et géopolitiques, est-on dans une logique d'ajout du sens? Comment les objets d'art restitués sont-ils alors chargés politiquement, s'interroge Bénédicte Savoie. Quelle est par conséquent la production d'images et de textes politiques qui accompagnent ces retours des œuvres d'art? Quelles sont les émotions patrimoniales qui se manifestent alors? Avant de plonger dans ces questions passionnantes, permettez-nous de vous prévenir que les équipes du Collège de France ont eu hélas un souci technique lors de l'enregistrement de ce cours. Un bruit parasite demeure malheureusement sur le fichier sonore comme sur le fichier vidéo. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous gagnons le Collège de France le 5 avril 2019 pour le cours de Bénédicte Savoie, aujourd'hui « Réappropriation plurielle ». Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à notre 7e séance sur 9 du cours de cette année, intitulée « 1815 année zéro ». L'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Le cours d'aujourd'hui s'intitule « Réappropriation plurielle ». Il s'inscrit en particulier dans la logique des trois derniers cours qui, donc depuis trois semaines, nous ont conduits avec les œuvres d'art hors de Paris, dans les régions d'où elles venaient. Et l'objectif de ce voyage mental que nous avons fait, et historique, était de voir ce qu'il advenait des œuvres au moment où elles sont reprises en main par leurs propriétaires légitimes, propriétaires qui ont pu changer. Alors ce qui va nous occuper aujourd'hui, et vous aurez compris la logique, c'est que si les frontières sont différentes, si les contextes géopolitiques sont différents, et patrimoniaux, et institutionnels, si les objets eux-mêmes reviennent de manière un peu transformée, évidemment, et c'est le point qui nous occupe aujourd'hui, les réappropriations qui vont avoir lieu, la manière dont les sociétés, les villages, les communautés, les États, les scientifiques, les académies, les universités, quand il y en a, vont reprendre en main ce patrimoine, va être différente selon les configurations dans lesquelles nous nous trouvons. Alors aujourd'hui, comme toujours, j'articule le cours en trois volets qui s'intitule « Démonstration politique ». On a déjà beaucoup parlé de cette dimension politique de tout le sujet qui nous occupe, mais vous verrez aujourd'hui combien le retour des œuvres est lié à des mises en scène, pas seulement des mises en scène, à des affirmations politiques de toute première importance. Secondement, reprise en main scientifique. Et troisièmement, traitement différé. Et pour commencer, les objets du jour et non pas l'objet du jour. Les objets du jour, je voudrais faire un bond. J'avais peur de vous ennuyer à la longue avec mon année 1815 que je répète et répète comme ça. Je me suis dit, allez, aujourd'hui, on ose refaire un pas vers notre époque. Et les objets du jour sont donc quelques photographies contemporaines tirées simplement d'Internet qui vous montrent, et je ne voudrais pas les commenter trop longtemps, je crois que c'est une iconographie politique qui parle d'elle-même, qui vous montre quelques scènes de restitution. Alors, dans le cas présent que vous voyez ici, il s'agit de la scène de restitution de têtes réduites maoris restituées il y a quelques années à la Nouvelle-Zélande. Et on voit leur retour. Elles arrivent dans des boîtes invisibles, donc pas visibles pour la communauté. Et elles sont rendues à leurs ancêtres. Ici, je vous en montre quelques autres sans appuyer là-dessus, mais c'est simplement pour vous rappeler combien ce qui nous occupe en 1815 est actuel et nous permet de comprendre aussi notre actualité. Ici, vous voyez un des longs moments à l'aéroport, ici de Séoul, au retour des manuscrits dits coréens, vous vous souvenez, lorsque la Bibliothèque nationale de France, après une assez longue négociation avec la Corée du Sud et l'État français pour prêter à long terme, c'est-à-dire presque restituer des manuscrits qui avaient été saisis lors d'une expédition punitive française au milieu du 19e siècle. Vous voyez ici donc la mise en scène à la fois de l'arrivée, avec du mouvement, avec les appareils de déplacement. Donc ici un camion, nous avons déjà fait la connaissance des chariots à roues, etc. Elles sont encaissées, on ne voit pas exactement ce qui arrive. Et ici, une procession qui suggère un cadre militaire et historique. Autre exemple, on est au Pérou ici, lorsque l'université de Yale, l'université américaine de Yale, a restitué il y a quelques années des pièces archéologiques prises au début du XXe siècle sur le site archéologique du Machu Picchu et qui ont été restituées. Vous voyez donc le camion à nouveau, ici avec de grandes affiches qui nous explique qu'il s'agit de pièces archéologiques récupérées de l'université de Yale aux États-Unis. Recuperando nuestro patrimonio, el Perú avanza. En récupérant son patrimoine, le Pérou avance. Donc, message politique, là encore. Et puis, on peut retourner plus loin, aller en arrière au XXe siècle. Vous voyez ici une scène qui m'est arrivée déjà de montrer, de commenter en 1994, lorsque Helmut Kohl a restitué à François Mitterrand une trentaine de tableaux, notamment impressionnistes, qui avaient été saisis par les nazis pendant la guerre. Donc, ces moments de restitution sont souvent, presque toujours, aussi des moments politiques. Premier chapitre, donc, démonstration politique. J'avais déjà montré, me semble-t-il, au premier ou au deuxième cours, ce dessin aquarellé très beau qui est conservé à l'Albertinum de Vienne, qui représente le retour des chevaux de Saint-Marc, ici, sur la place Saint-Marc à Venise, avec une tribune érigée pour l'empereur d'Autriche, François Ier, dont vous savez qu'il devient, après le congrès de Vienne, qu'il va désormais régner sur le nord de l'Italie, et notamment sur Venise. Alors, ce très beau dessin, cette très belle représentation, montre une foule réunie sur la place Saint-Marc, montre très légèrement cette couleur blanche et rouge qui est celle du drapeau autrichien. Et ce dessin est conservé à Vienne, puisque toute cette opération est une opération, comment dire, de relations publiques aussi du nouvel empereur qui doit maintenant, lorsqu'il occupe Vienne, s'assurer l'amour, entre guillemets, ou en tout cas l'affection, c'est les termes de l'époque, de ces nouveaux sujets. Si on ouvre les ouvrages publiés à l'occasion de ce retour des chevaux de Saint-Marc, donc saisis par la France en 1797, qui eux-mêmes étaient arrivés, vous le savez, de Constantinople, plusieurs siècles auparavant, donc ils sont restés plusieurs siècles à Venise. L'armée française sous Bonaparte les emporte à Paris. À Paris, ils ont été montés, Vous le savez, sur l'arc du Carrousel, en 1815, ils sont démontés, ils retournent. Et à l'occasion donc de ce retour, sont organisées non seulement des fêtes, mais aussi publiées un très grand nombre de pamphlets, de programmes, de textes, de poèmes, de chansons qui fêtent le retour. J'ai ouvert la page et comme elle était si jolie, je me suis dit que j'allais la photographier pour vous. Il s'agit d'un programme, un procès-verbal de la fête qui a eu lieu à Venise le 13 décembre 1815 pour le retour de ces chevaux de Saint-Marc. Donc ici, il s'agit d'un procès-verbal, d'un texte qui se présente comme un texte neutre, une description des cérémonies, des festivités qui ont eu lieu, donc, et des actes qui ont accompagné « il recondurre e riporre nell'antica loro sede i quattro cavalli sul pronao della basilica di San Marco », etc. Donc il s'agit des cérémonies qui ont accompagné « il recondurre », le reconduire, on les a raccompagnés. Qui les a raccompagnés? C'est la question. Pourquoi « recondurre » Eh bien parce que, en fait, le sous-texte, c'est l'empereur d'Autriche qui les a reconduits chez eux, en quelque sorte, et leur réinstallation, riporre, remettre dans leur siège primitif. Ce texte est extrêmement intéressant. C'en est un seul parmi d'autres types de documents qui ont été produits à ce moment-là. Ce sont des, ce qu'on appellerait des prospectus aujourd'hui, des flyers, des choses qui ont été distribuées, comme cette représentation des quatre gravés, des quatre chevaux de Saint-Marc, et où on voit, même sans le lire, en vérité, simplement par l'inscription, que François Ier d'Autriche joue un rôle central, y compris dans la typographie. Donc vous voyez ici, il est dit que c'est lui qui a permis à la ville de Venise de récupérer ses chevaux. Et voilà d'autres publications du même genre qui commencent en 1815, comme on l'a vu, qui continuent en 1816, 1817. Donc une production assez longue. « Sui quattro cavalli della Basilica di San Marco in Venezia, lettera di Andrea Mustoxidi », texte extrêmement intéressant d'un grec qui va faire le lien en 1816 avec le départ des frises du Parthénon. On ne rentre pas dans cette matière, mais je voulais vous signaler qu'on tire un tout petit fil dans un grand sujet, là, avec ce retour des chevaux de Saint-Marc, où ici, ce texte des observations de Girolamo Antonio Dandolo, Veneziano Patrizio, donc un patricien, le Dandolo bien connu, vénitien. Donc à la fois la classe politique, les intellectuels, si on peut employer ce terme, et celle des historiens de l'art, on y reviendra tout à l'heure, évoque, publie, donne un sens à ce retour. Les œuvres ne reviennent pas. On n'est pas dans des logiques de simple déplacement. On est dans des logiques d'ajout de sens. Elles sont chargées politiquement, comme on le disait l'autre fois. Alors, simplement pour bien vous montrer comment même l'iconographie, toutes les images qui sont produites à ce moment-là sont des images politiques, ce ne sont pas du tout des images neutres. J'ai apporté ici ce tableau qui m'est déjà arrivé de commenter dans un des cours il y a 2 ou 3 ans, me semble-t-il, qui représente lui aussi donc, le retour des chevaux sur la place Saint-Marc. Et cette représentation est extrêmement intéressante parce qu'elle montre non seulement donc, le retour de ces pièces qui n'étaient pas parties si longtemps, à vrai dire, une vingtaine d'années depuis 1797, simplement, mais surtout la mise en scène avec la foule des Vénitiens qui sont tenus en quelque sorte assez loin de leurs chevaux. Ils sont séparés des chevaux ici par une triple, quadruple file d'hommes armés, de militaires qui sont les membres de l'armée autrichienne, qu'on reconnaît à leur uniforme blanc. Donc la foule est là, mais elle n'est pas au contact direct avec ces pièces. Mais celle qui est le plus proche des pièces, c'est donc cette armée qui encadre toute la place largement et de manière très ordonnée. Et puis, extrêmement important, la mise en scène donc du nouvel ordre politique avec ces drapeaux de l'Empire d'Autriche, ici extrêmement visible. Et la tribune, on voit même l'empereur là-bas avec son uniforme blanc face à cette grande cérémonie qui est donc un acte politique. On pourrait comparer ça aux cérémonies du 14 juillet sur les Champs-Élysées, ces grands moments politiques, militaires, qui sont des moments d'affirmation nationale. Sauf qu'ici, bien sûr, c'est en quelque sorte la première fois qu'un empereur, un souverain étranger, la première fois depuis bien longtemps, puisque Venise était une ville libre et était fière de sa liberté et assumait et revendiquait cette liberté politique, c'est la première fois depuis des siècles que Venise est soumise à un autre régime politique. Et en fait, si on lit le dessous des cartes ou le dessous de cette représentation, on est dans une situation où Venise est occupée, en quelque sorte. Et du point de vue des Vénitiens, la venue des Autrichiens n'est pas du tout une libération, mais bien une forme d'oppression. Et c'est très intéressant de voir comment, dans tout ce contexte, nos œuvres d'art, notre translocation va être instrumentalisée. Alors, je voudrais lire juste un tout petit peu avec vous le programme officiel, donc le programme autorisé par Alors, je vais dire les autorités d'occupation autrichienne, si on veut. Après, c'est une question d'interprétation. Est-ce que c'est une libération ou une occupation? On va dire occupation par confort, maintenant. Donc, c'est le programme officiel qui est en langue italienne, mais dont on peut imaginer qu'il a été rédigé ou en tout cas contrôlé par les autorités qui rapportent ces chevaux. Programma per la celebrazione del ripristino dei cavalli, donc programme pour la célébration de la reprise des chevaux, etc., et de leur réinstallation. On nous parle d'abord de la date, il giorno di mercoledì 13 corrente dicembre, destinato, et ça arrive, dès la deuxième ligne, da sua maestà l'augustissimo nostro sovrano, notre souverain augustissime, et là déjà au nostro, donc notre souverain illustrissime, per dare alla veneta nazione, notre souverain illustrissime, l'autrichien, va donner à la nation vénitienne la più generosa testimonianza della sua paterna affezione, va donner la plus grande preuve de son affection paternelle, col ricondurre un prezioso monumento dell'antica gloria veneziana. On a tout ici. Il va donc donner preuve de son immense affection paternelle, de nouvel occupant, en rapportant, ricondurre, en rapportant à la maison un monument précieux de l'antique gloire vénitienne. Donc l'identification au nouveau souverain, elle est là, elle est affirmée, nostro sovrano, c'est donc lui désormais qui nous dirige, mais enfin, il rapporte quelque chose qui rappelle l'ancienne gloire de Venise, c'est-à-dire la gloire de Venise lorsqu'elle était une ville libre. On est vraiment dans... On peut imaginer que là, chaque mot a été négocié hein, dans ce genre de discours, rien n'est fait au hasard, et notre événement, notre retour des œuvres est ici donc éminemment politique. On pourrait continuer à lire, c'est extrêmement intéressant, je vous montre simplement... Donc ici encore, il est dit que François Ier d'Autriche est le padre della patria, le père de la patrie, et qu'il est plein de bénéficience pour faire profiter ai suoi popoli frutti delle proprie vittorie. C'est-à-dire qu'il est, il a la générosité de faire profiter à ses peuples au pluriel, c'est l'Empire autrichien, et ici donc, il nous dit que cet empereur fait bénéficier à tous ses peuples des fruits de ses propres victoires à lui, ses victoires à Paris. Ce qui est sous-entendu, c'est que, évidemment, l'empereur d'Autriche aurait pu rapporter ces chevaux-là à Vienne. Voilà. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est à la page 3, l'évocation des larmes, des émotions politiques, des émotions patrimoniales liées à la fois au départ de ses œuvres. Ces lagrime di dolore, desto in ognuno il loro rapimento. Si nous avons tous ressenti ou eu des larmes de douleur lorsqu'elles ont été ravies. À présent, nous avons des lagrime di consolazione en voyant que le sovrano è liberatore, en voyant que le nouveau souverain est libérateur, ça nous donne des larmes d'émotions positives en quelque sorte, lorsqu'il rend ses pièces à Venise. Autre livre, toujours sur le même sujet, que j'ai voulu ici ouvrir avec vous, c'est un texte de Chico Nagnaria, l'un des grands historiens de l'art et historiens de cette époque, qui nous propose, lui, une narrazione storica. C'est-à-dire que ce n'est pas le programme officiel, c'est un texte qui va à la fois donner la dimension politique de l'événement, mais aussi sa dimension historique et peut-être aussi, puisqu'il est historien lui-même, sa dimension scientifique. Il va mettre en contexte le retour de ses chevaux. Et là encore, dès qu'on feuillette, hein, alors qu'il s'agit d'un texte d'un historien indépendant, si on veut, la dédicace est donnée à François Ier, empereur d'Autriche et roi de Lombardie, Venezia, Vénétienne en allemand. Et c'est seulement après plusieurs pages que commence le vrai texte historique, i quattro cavalli che ritornano, etc. Et encore à la fin de ce texte, après 31 pages de texte, les derniers mots du texte, c'est que tout ça est dédié à notre padre et monarco Francesco I. Donc vraiment, on peut dire que même la reprise en main historique, scientifique, intellectuelle de ces pièces se fait dans ce cadre politique, devant, derrière, la parenthèse, hein, la dédicace devant, et ces derniers mots à la fin. Et d'autres illustrations montrent bien qu'il s'agit, par cet acte-là, de représenter une apothéose, en quelque sorte, du nouvel empereur, que vous voyez ici dans une représentation qui rappelle une camée antique, hein, l'apothéose d'un empereur. On pourrait imaginer qu'elle a été inspirée, par exemple, du Grand Camée de France, qui était à l'époque l'une des pièces les plus célèbres au Camée des médailles à Paris. Et on voit ici donc l'empereur d'Autriche en victoire, avec ses ailes de la victoire, son drapeau autrichien, les chevaux de Saint-Marc mis dans une barque qui représente l'État, la paix qui annonce à Venise. On l'a déjà commenté quelques fois, cette vignette, mais elle me paraît vraiment importante. Et derrière, donc grâce à l'apothéose de cet empereur, grâce aux chevaux qui rentrent, le soleil qui se lève et un nouvel avenir pour Venise. Ça, c'est la propagande officielle. Si maintenant on regarde le ressenti, soit des Vénitiens eux-mêmes, quand il ne s'agit pas de textes publiés officiellement, soit d'autres visiteurs de Venise qui ont connu Venise avant et après son occupation ou son annexion par les Autrichiens, si on regarde donc le même événement par le bas, par les gens ou par des poètes qui ne sont pas liés à la censure, on observe que les choses sont plus différenciées et que le message politique donné par François Ier n'est pas nécessairement celui qui est ressenti. Vous voyez ici un poète allemand qui s'appelle August von Platen, qui a vécu dans les années 1810-1820 et qui a longtemps vécu en Italie, qui est l'un de ceux qui a chanté l'Italie parmi les poètes allemands. Et il a publié plusieurs poèmes, en tout cas écrit plusieurs poèmes publiés plus tard, sur cette question du changement de statut politique de Venise et des chevaux de Venise avec elle. C'est extrêmement intéressant. Un clin d'œil ici à mon équipe à Berlin. Nous collectionnons depuis quelques années, quelques mois, toutes sortes de textes sur ces questions de translocation. Et je vous montre tous ces textes. Nous les mettons directement sur Internet, sur un blog qui s'appelle Translocation Anthologie. Et vous voyez ici un commentaire de ce texte qu'on va regarder ensemble dans un instant, de Platen, commenté par un étudiant de Berlin qui s'appelle Simon Lindner. Donc on regarde ensemble juste ce poème pour voir comment la transmutation de sens ou l'ajout d'un sens politique intervient à ce moment-là. Je vous lis rapidement en allemand et puis je ferai un résumé de ce qui est dit ici. Le poème s'intitule donc « Venedig liegt nun noch im Land der Träume ». Ce titre est déjà très clair, il veut dire « Venise n'existe plus qu'au pays des rêves ». Déjà, la couleur est donnée, en quelque sorte. Venise n'existe plus telle qu'on la connaissait. Elle n'est plus que notre souvenir rêvé. Venedig liegt nur noch im Land der Träume und wirft nur Schatten her aus alten Tagen. Es liegt der Leu der Republik erschlagen und öde feiern seines Kerkers Räume. Venise n'est plus qu'un rêve. Elle n'est plus que l'ombre des jours anciens. La République a été assassiné, erschlagen, a été tué, donc l'ancienne République vénitienne, und öde feiern seines Kerkers Räume, et elle est comme enfermée maintenant, Kerker, c'est un carcan, voilà. Donc, en fait, il nous dit, Venise n'est plus libre du tout, elle est enfermée dans un carcan, dans des oubliettes, elle est dans une forteresse. Et puis, deuxième paragraphe, tout de suite, les chevaux, die ehernen Hengste, die durch salzige Schäume dahergeschleppt, auf jener Kirche ragen, nicht mehr dieselbe sind sie. Ach, sie tragen des korsikanischen Überwinders Zäume. Même si on ne parle pas allemand, on entend korsikanisch. Tout de suite, c'est Bonaparte. Donc, ici, dans cette seconde strophe, Platte nous dit, les beaux chevaux d'airain, les Hengste, c'est même les étalons d'airain qui ont été emportés dahergeschleppt, schleppen, ça veut dire les, non seulement les emporter, mais les traîner, en fait. Ils ont été traînés, ils ont été emportés. Et maintenant, ils sont à nouveau sur l'église. Et le vers le plus important dans ce texte, « Nicht mehr dieselben sind, ach, ils ne sont plus les mêmes, ach. » Donc, ils sont certes revenus, on les a remis sur l'église, mais « Nicht mehr dieselben sind, ils ne sont plus les mêmes, ach, sie tragen des korsikanischen Überwinders Zäume. » Ils portent maintenant les rênes et le licol du Corse qui les avait emportés. Ils le portent pour toujours. Ils ont comme ça cela marqué en eux. C'est ce que notre collègue historien de l'art, Christophe Pomian, appelle des objets qui sont comme des sémiaphores. C'est un terme compliqué qui veut dire que les objets endossent plusieurs couches de sens et que ces couches de sens, en fait, comme une archéologie, s'empilent sur eux. Donc ici, ce que nous dit le poète, c'est qu'ils sont là, ils sont certes revenus, mais ce n'est plus du tout les mêmes. Ils ont empilé, ils ont pris sur eux et ça se voit et ça se sent. Et le fait que Venise n'est plus une ville libre en est bien la preuve. Ils ont pour toujours en eux ce départ et ce retour à Paris. Et ça continue, etc. Ici, où est resté le peuple? Où est à présent ce peuple de rois, des Vénitiens d'autrefois? Ils ne sont plus rien, en fait. Ils sont maintenant, en quelque sorte, des esclaves. Donc la plainte de l'Allemand qui retourne à Venise après ces événements et qui n'y retrouve plus la grandeur, l'autorité, la puissance, l'autonomie, la liberté vénitienne, mais qui voit, en regardant les chevaux, tous ces épisodes historiques qui ont mené à l'occupation par les Autrichiens. Donc nos objets gardent ça dans la conscience collective, même si soi-même de manière consciente, quand on regarde les chevaux de Saint-Marc, on n'y pense pas. Ils ont ça en eux et dans la mémoire collective, et en particulier des Italiens, tout ça est marqué dans ces chevaux. Collège de France et France Culture vous présente l'historienne de l'art Bénédicte Savoy, sa série 1815 Année Zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art, aujourd'hui réappropriation plurielle. Deuxième moment, après les reprises en main politiques, le chargement politique de nos objets, à l'exemple de Venise, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais celui de Venise est tellement frappant qu'il est utile pour comprendre les choses. Maintenant, la reprise en main scientifique. Je recommence ici avec le retour du tableau de Van Eyck, l'agneau mystique, qui avait été rendu à la Belgique en 1945, après la chute des nazis qu'il avait emporté chez eux de l'endroit où il avait été caché par les Belges, c'est-à-dire du sud de la France. Histoire compliquée, je l'ai déjà racontée, me semble-t-il, il y a 2 ans, dans le cours « À qui appartient la beauté ». Je ne reviens pas sur les détails, mais ici, parce que c'est extrêmement intéressant, cette démarche de reprise en main scientifique et scientifique du Musée des Beaux-Arts de Bruxelles, avant de rendre ce tableau à l'église, à la cathédrale Saint-Bavon de Gand, où il va être restitué. Avant cela, les scientifiques, les historiens de l'art, les conservateurs, les restaurateurs reprennent en main leurs tableaux et lui font subir toute une foule d'examens et de photographies et de radiographies, comme si c'était un grand malade qui revenait et qu'on se réapproprie de cette manière-là. Alors, ces gestes de réappropriation et notamment de restauration sont extrêmement importants. Je peux le dire ici déjà, notre tête du Corrège, qu'on a appris la dernière fois qu'elle avait été plusieurs fois repeinte et modifiée, et la dernière fois à Paris par Prudhon, eh bien, au moment de son retour à Berlin, même si les Berlinois trouvent que la tête est absolument horrible et qu'elle est désormais défigurée, certains, d'autres considèrent que la restauration est pas mal, mais finalement, après un long débat à Berlin, on va décider de repeindre encore la tête, qui va être donc, c'est une forme de reprise en main de ce qui vous appartient. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'autres situations. C'est pratiquement naturel que lorsque des pièces reviennent dans leur pays d'origine, on leur fasse quelque chose à chaque époque et avec son idée du patrimoine. Ça peut être des laboratoires, des radiographies, des photographies. Ça peut être des cérémonies qui les rechargent spirituellement. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais on fait quelque chose souvent aux objets pour se les réapproprier. On peut utiliser l'image de la reprise en main. Et vous voyez, toutes ces manipulations, là, en sont la meilleure image. Alors, j'ai évoqué à l'instant la tête de Leda qui va être repeinte par un, un restaurateur, le premier restaurateur professionnel de Prusse qui s'appelle Jakob Schlesinger, dans quelques années après son retour, pas tout de suite. Et je voudrais vous montrer comment à Berlin va se faire donc la reprise en main scientifique du patrimoine qui avait été emporté à Paris en 1806 et 1807. Alors, pour ce qui est de la reprise en main technologique en termes de restauration pour le début du 19e siècle, la documentation à Paris est assez importante. Pour ce qui concerne Berlin, les sources sont plus difficiles à trouver. Donc, je ne peux pas vous montrer ici comment la tête a été repeinte. Ou je n'ai même pas les listes de tous les tableaux qui auraient été retapés, réencadrés, repris en main comme ça techniquement. Donc, on va devoir se contenter, mais il faut savoir que ça marche ensemble, de la réappropriation intellectuelle, scientifique intellectuelle. C'est-à-dire le moment où les savants allemands, récupérant leurs tableaux, vont bien montrer que ce sont les leurs en écrivant beaucoup de choses dessus et en les montrant. Vous vous souvenez que les tableaux venus de Berlin à Paris en 1806 et 1807, 1806, c'est la date de la bataille d'Iéna qui a marqué la grande défaite de la Prusse et qui a permis, vous vous en souvenez, à Napoléon et à la Grande Armée de monter jusqu'à Berlin et d'occuper Berlin en 1807 et pendant quelques années. Et à ce moment-là, à Berlin, Berlin n'a pas, contrairement à Munich, à Vienne, à Düsseldorf, à Schwerin, à Kassel, Berlin n'a pas de musée public. Les collections que va convoiter Dominique Vivant-Denon, qui fait partie du voyage, se trouvent dans les palais du roi, Frédéric Guillaume III, et elles ont été formées, ces collections, principalement par Frédéric le Grand. Elles sont dans la Bildergalerie à Potsdam, Prospekt der Bildergalerie im Königlichen Garten sans souci bei Potsdam. On avait vu que ces pièces étaient donc accrochées. C'est une galerie, uniquement une galerie, sans mobilier. Elle ne décore pas des chambres ou des appartements. C'est une véritable galerie de peinture, mais qui n'est pas extrêmement largement ouverte au public. Elle l'est peu, et je vais vous montrer tout à l'heure la situation de Potsdam par rapport à Berlin sur la carte. Vous verrez que aller à Potsdam aujourd'hui, c'est 45 minutes en RER, si on veut, en S-Bahn. Mais à l'époque, il faut plusieurs heures à cheval pour y aller. Berlin est une capitale bicéphale, comme Paris, avec Paris et Versailles, Berlin et Potsdam. Sauf que le lien entre Berlin et Potsdam à cette époque-là est tel que c'est loin. Voilà, pour dire les choses simplement. Donc, on avait notre corrège ici, la Leda, et cette galerie est une galerie typique du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle est composée principalement de peintres de l'école italienne et de l'école flamande, en gros, pour faire vite, les stars Corrège et Rubens. Les autres tableaux collectionnés par Frédéric Legrand, vous savez qu'il était très grand amateur de peinture française, il a collectionné Watteau, Lancret, Pater, ces grands peintres du XVIIIe siècle français, ses contemporains. Cela, c'était pour chez lui, pour sa chambre à coucher, pour ses salons. Mais quand on veut faire une grande galerie représentative princière au XVIIIe siècle, c'est dans le domaine germanophone, et en France aussi d'ailleurs, c'est l'école italienne et l'école flamande, et surtout pas d'école allemande. Vous verrez nulle part dans ce genre de galerie un Durer, un Cranach, un Holbein. Holbein, si, mais en tout cas les autres, Altdorfer, etc., ne sont pas visibles dans ces galeries au moment où Vivant-Denon et la France viennent les dépouiller. Donc ce sont ce genre de pièces qui quittent Berlin en 1806 et qui sont exposées à Paris, vous vous en souvenez, en 1807, conquis par la Grande Armée, etc. On avait vu déjà le catalogue de cette exposition. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à leur retour, quand ces tableaux rentrent, alors on parle seulement des tableaux ici, il faudrait parler aussi des antiquités, des autres pièces saisies, mais concentrons-nous sur les tableaux. Quand ces tableaux rentrent en 1815, a lieu une exposition, et vous voyez juste simplement visuellement, en mettant les deux catalogues côte à côte, que la seconde exposition, celle de 1815, calque ou fait miroir avec celle de 1806. On va regarder point par point comment ça fait miroir. Ce qui est important pour nous, c'est de voir d'abord que quand ces œuvres rentrent à Berlin, elles ne sont pas remises dans les châteaux du roi de Prusse. Il est clair que ce n'est plus possible. On est vraiment là dans cette intertemporalité. Il s'est passé des choses, il s'est passé la Révolution française. Ces tableaux ont eu tous les regards de l'Europe portés sur eux lorsqu'ils étaient exposés au musée Napoléon. On ne peut pas les remettre au fin fond de Potsdam ou dans le château du roi de Prusse. Impossible. Donc, l'intelligentsia de Berlin, les artistes, les intellectuels proposent une exposition dont vous voyez donc ici la première page du catalogue. On avait dans l'exposition française un titre assez long, statues, bustes, bas-reliefs, bronzes et autres antiquités, peintures, dessins et objets curieux, conquis par la Grande Armée. Ici, le titre est pratiquement semblable. Verzeichnis, liste, von Gemälden und Kunstwerken, donc liste de tableaux et d'œuvres d'art. Welche, ici nous avons conquis par la Grande Armée dans les années 1806 et 1807, dont l'exposition a eu lieu le 14 octobre 1807, premier anniversaire de la bataille d'Iéna. Et du côté allemand ici, donc des œuvres d'art. Welche, durch die Tapferkeit der vaterländischen Truppen wieder erobert worden, donc des œuvres qui, grâce à la vaillance des troupes patriotiques, ont été reconquises. Und auf Verfügung eines hohen Ministerii des Innern in den Zellen der Königlichen Akademie der Künste ausgestellt sind, donc, et qui sont exposées dans les salles de l'Académie des Arts. Donc, on n'a pas de musée à Berlin, il n'y a pas de musée. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On récupère des œuvres, on ne veut pas les remettre dans le Palais Royal. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait? Et là, l'idée qu'ont les Berlinois, c'est de trouver un lieu provisoire, de prendre un bâtiment public qui est habitué à faire des expositions, l'Académie des Arts, et d'y mettre de manière temporaire ces tableaux. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le prix d'entrée, Eingangszettel, le billet d'entrée coûte 6 groschen, probablement GR courant, et qu'on nous indique sur la page de couverture ici que l'argent des billets va être utilisé zugunsten der verwundeten Krieger des Vaterlandes, pour les soldats blessés de la patrie. Donc là, on a ce lien à nouveau, les bonnes œuvres, l'exposition de l'art, le lien de l'art et des armes, la reconquête, et l'argent qui va être généré par cette exposition ira pour les bonnes œuvres des soldats. Ce qu'on comprend ici, on ne le comprend pas exactement, mais c'est dit dans d'autres textes, c'est que ces œuvres qui avaient été prises au roi ont été récupérés par les troupes, par les soldats, et que désormais, c'est aux soldats qui ont payé de leur sang pour récupérer ces œuvres qu'elles appartiennent. Ça n'appartient plus au roi. Ça, c'est vraiment un effet très, très visible de translocation. Ici, dans le cas de la Prusse, les frontières sont restées les mêmes, en tout cas pour ce qui concerne Berlin. Le souverain est resté le même. Mais ce qui a vraiment changé, c'est que le sentiment de propriété du peuple, entre guillemets, est intervenu désormais. Avant, personne ne voyait ces tableaux, personne ne s'y intéressait. Les soldats les récupèrent et maintenant, on ne le considère pas encore tout à fait au moment de cette publication, mais on considère que ça appartient au peuple. Cette exposition a donné lieu à un grand nombre de commentaires dans la presse, de comptes rendus d'exposition, ici comme dans les Berlinische Nachrichten von Staats- und Gelehrten Sachen, dans lesquels vous pouvez lire, et on comprend exactement ce qui se passe quand je parle de reprise en main. C'est vraiment une reprise en main aussi populaire, mais vous allez voir, scientifique aussi. Nous avons plusieurs raisons de nous réjouir de posséder à nouveau les objets confisqués. Primo, nous voyons ce que nous avions presque complètement oublié, la haute qualité de ce que nous possédions, même si l'on nous n'en montre ici qu'une partie infime. Très intéressant, ici, 20 ans après, nous dit cet auteur, on avait complètement oublié ce qu'on avait. On ne savait plus, en fait. On ne savait plus, donc on est très content de voir dans cette exposition ce qui nous appartient. D'une part, secondo, nous voyons une partie de ce que nous avons désormais. Alors ça, c'est intéressant, puisqu'avant, ils ne considèrent pas que ça leur appartenait à eux. Avant, c'était au roi. Et maintenant, c'est ce que nous avons désormais. Ça nous appartient, nous, population de Berlin. Et tertio, tout cela nous appartient à nouveau, et de manière plus juste que jamais, car nous avons reconnu la valeur de ces œuvres, et nous nous sommes montrés dignes d'elles en les revendiquant et en les reprenant avec rigueur. Donc, ce qui ne nous appartenait pas, ce qui appartenait au roi, nous appartient maintenant beaucoup plus complètement. Je voulais vous montrer la distance donc, entre Berlin, là on est en 1798, donc à peu près dans la période qui nous occupe, une dizaine d'années plus tôt. Berlin ici, qui est encore une ville de taille modeste, et Potsdam est si loin que ce n'est même pas sur la carte. Il faut imaginer Potsdam, ici vous voyez Charlottenburg, pour ceux qui connaissent Berlin, le château de Charlottenburg est éloigné de 10 minutes en vélo de la porte de Brandebourg, que vous voyez là. Donc, il faut imaginer que Potsdam est à peu près là-bas. C'est loin, c'est compliqué. En hiver, il y a de la boue partout. Les routes ne sont pas commodes. Et donc, ce qui était à Potsdam était vraiment pratiquement invisible. La Leda du Corrège, personne ne l'a vu avant cette exposition à Berlin. Les Rubens qui avaient été pris par Napoléon, personne ne les a vus. Et par ailleurs, l'autre lieu où étaient conservées les collections du roi de Prusse, saisi par vivant de nom, c'était le château de Berlin. Donc là encore, un lieu qui n'était pas ouvert à la population, le château de Berlin, dont vous savez qu'il vient d'être reconstruit. Ayez une pensée pour lui quand vous serez à Berlin. Il vient d'être reconstruit tout récemment. Ça, voilà, il est comme ça maintenant. En tout cas, c'était là, je retourne en arrière, c'était dans ces salles, dans les salles d'apparat de ce château, que se trouvaient les collections, une partie des collections qui reviennent en 1815. Et là encore, tous ces gens que vous voyez là dehors n'avaient jamais vu ces collections avant. Et en 1815, c'est donc un véritable événement pour la population berlinoise, pour les artistes, pour les intellectuels, de voir cette exposition. Elle a lieu à l'Académie des Beaux-Arts, sur l'avenue Unter den Linden, Académie des Beaux-Arts, qui est habituée depuis le XVIIIe siècle à faire des expositions d'art contemporain. Et on décide, là, au moment où les œuvres rentrent, que c'est ici qu'aura lieu cette exposition. Cette salle, ce bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui, comporte une entrée ronde, une rotonde. Vous voyez ici le plan, donc la rotonde d'entrée, et puis deux grandes salles. Et ce qui est aussi un clin d'œil à l'exposition parisienne. Vous vous souvenez que quand les œuvres venues d'Allemagne étaient arrivées, elles avaient été exposées en deux modèles muséographiques dans la rotonde. Vous vous souvenez de cette représentation de force avec Napoléon, le tableau de Rubens, l'allégorie du vainqueur qui était accrochée avec des fils de pêcheurs là, au-dessus de Napoléon, avec cette couronne de laurier aussi qui avait l'air de flotter au-dessus de lui, et puis des armes, etc. Ça, c'était le côté politique de l'exposition parisienne. Eh bien, que font les Allemands ? Les Allemands, il faut dire les Prussiens à cette époque, puisque l'Allemagne n'existe pas. Ils installent dans la rotonde de l'Académie des Beaux-Arts des tableaux de la famille Bonaparte. Donc Marie-Pauline Bonaparte, princesse borghèse, peinte par Robert Lefebvre en 1806, saisie par le maréchal Blücher à Paris en 1815. Car le maréchal Blücher n'a pas pu s'empêcher, malgré l'avis contraire de tous ses conseillers diplomatiques, de se saisir, quand il était à Paris en 1815, j'ai omis de vous le dire à l'époque, je le dis maintenant, de se saisir de quelques tableaux contemporains représentant la famille Bonaparte, comme une prise de guerre. Donc pas de tableaux anciens et pas de prise de guerre systématique. Il les a pris pour lui à son compte et il les expose donc comme une sorte de panthéon de la victoire. C'est la famille Bonaparte et c'est ce qu'on voit en premier quand on rentre dans l'exposition. Donc Marie-Pauline Bonaparte, Caroline, reine de Naples et ses enfants de Gérard, saisie par le maréchal Blücher à Saint-Cloud en 1815, et Hortense, reine de Hollande, peinte aussi par François Gérard avec le prince royal de Hollande, saisie par Blücher à Saint-Cloud. Ce qui est intéressant, c'est que certains de ces tableaux sont restés dans la descendance de Blücher et ils sont réapparus sur le marché de l'art seulement dans les années 1970. Et puis, le clou dans ce seuil symbolique de l'exposition, vous imaginez, vous êtes berlinois, vous vous dites, tiens, on va aller voir l'exposition des œuvres reconquises, on n'avait jamais vu ça, etc. Et la première chose que vous voyez à l'entrée, c'est la famille Bonaparte et le premier consul franchissant les Alpes au col du Grand Saint-Bernard, peint en 1800 par Jacques-Louis David, la variante dite... il y a plusieurs variantes de ce tableau. Il y en a à Versailles, je crois qu'il y en a 5 en tout. Et celle-ci est restée d'ailleurs à Charlottenburg, à Berlin, où on peut la contempler, les touristes peuvent aller la voir tous les jours. Donc, dans ce seuil symbolique, on a la démonstration politique qu'on avait aussi à Paris en 1807, dans la rotonde avec qu'on vient de voir. Par ailleurs, et c'est maintenant ce qui nous intéresse, vous vous souvenez qu'à Paris, l'autre partie de la même exposition, c'était une partie beaucoup plus scientifique, avec les pièces arrangées par ordre symétrique, qu'on pouvait comparer, des publications, etc. Et ceci se produit aussi à Berlin, avec une partie scientifique de l'exposition, scientifique entre guillemets, en tout cas historiquement correcte, est faite par des historiens de l'art et notamment par le directeur de l'Académie des Arts de l'époque qui s'appelle Johann Gottfried Schadow et qui est, ce n'est pas un hasard, l'auteur du quadrige de la porte de Brandebourg à Berlin et qui avait été très content que son quadrige aille à Paris. Il trouvait que c'était une bonne carte de visite pour lui, puisqu'il était artiste. En tout cas, voilà. Quand le vent politique a changé en 1815, c'est lui qui organise cette exposition, dont on n'a pas de représentation, hélas, mais on a un catalogue dont je vous ai montré la page de couverture tout à l'heure et que je voudrais feuilleter un peu rapidement avec vous pour que vous voyez ce que j'entends par, ou ce qu'on peut entendre par, reprise en main scientifique. Alors, d'abord, on ouvre ce catalogue et il n'est pas du tout question de toute l'affaire de Blücher et de ses tableaux de Napoléon. Exit. On n'en parle pas. On est des scientifiques sérieux, on est des historiens de l'art. On ne va pas faire de la politique, en tout cas pas visible avec l'art. Donc vous voyez qu'ici, le premier numéro du catalogue, ce n'est ni le tableau de Jacques-Louis David, ni les tableaux de Gérard, etc. Mais c'est Das Jüngste Gericht, le jugement dernier, donc sans nom d'auteur, très important, vous allez voir pourquoi. Et on nous précise entre parenthèses que jusqu'en 1807, ce tableau était dans l'église Sainte-Marie de Danzig, de Gdansk. Et on sait en effet que ce tableau que j'ai souvent évoqué dans mes cours et qui joue un rôle extrêmement important pour toute l'histoire du patrimoine en Allemagne, était en effet jusqu'à sa saisie par Dominique Vivant de nom en 1807 dans cette église de Gdansk qui, après 1815, donc devient prussienne. C'est pourquoi le tableau ne repart pas à Danzig, ne repart pas dans son église, mais est à Berlin pendant quelques temps, puisque Gdansk est maintenant prussienne. J'insiste pas sur ces histoires de frontières, on en a tellement parlé, c'est bien clair. En tout cas, voilà la situation du tableau avant son séjour à Paris. Et le voilà devenu numéro 1, top 1, dans l'exposition de Berlin. Alors c'est extrêmement important symboliquement, puisque ce tableau, personne ne l'avait vu avant, à Berlin, et que c'est parce qu'il a été à Paris qu'il devient la pièce la plus importante, symboliquement numéro 1, de l'exposition de Berlin. Et la question c'est, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi un tableau que personne ne connaissait, qui n'appartient pas au roi, qui vient d'une église, qui vient même pas de Berlin, pourquoi c'est lui qui va ouvrir l'exposition dans ce catalogue? Et non seulement il l'ouvre, mais vous verrez qu'on a, dans ce fin catalogue, c'est une petite notice, plus d'une, je crois, 30 pages uniquement sur ce tableau-là, un tableau du XVe siècle qui représente le jugement dernier. Ce que nous indique le catalogue, après nous avoir décrit le tableau, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On nous dit dès le début de la notice « In Frankreich wurde diesem Bilde auch kein anderer Name gegeben ». Il dit donc « En France, c'est ce qui vient d'être expliqué ici, le tableau était attribué à Van Eyck. Tout le monde pensait à l'époque, quand il était dans son église, que c'était un tableau de Van Eyck. Et, nous disent les auteurs de cette notice, en France, on ne lui a pas donné d'autre attribution. Il est resté Van Eyck. Et en effet, dans le catalogue français, on voit le jugement dernier de Van Eyck venant de Danzig. In Frankreich wurde diesem Bild auch kein anderer Name gegeben, obwohl sie da Gelegenheit hatten, es mit den vorhandenen, unbezweifelten Bildern des Johann und Hubert Van Eyck zu vergleichen. Ce que ça nous dit ici, c'est que les Français ont considéré eux aussi que c'était un Van Eyck, alors qu'ils auraient pu très bien, en comparant avec les autres Van Eyck qu'ils savaient, se rendre compte que ça ne peut pas être un Van Eyck. Impossible. Et deuxième élément de phrase, hier, ici à Berlin, nous avons considéré, après avoir jeté un seul coup d'œil sur le tableau, qu'il ne pouvait absolument pas s'agir d'un tableau von Van Eyck. Das ist nicht von den Van Eyck sein können. Impossible. Qu'est-ce qui se passe ici? On récupère un tableau qui n'était pas visible avant et on dit, les Français n'ont rien compris. Ils avaient les moyens là-bas, avec tous les Van Eyck qu'ils avaient. Ils auraient pu s'apercevoir que ce n'est pas un Van Eyck et ils n'ont rien vu parce qu'ils sont incapables de voir comme il faut, subtexte, cet art qui est aussi authentiquement germanique. Et pendant maintenant 30 pages, et dans plein d'autres publications, et dans la presse, et dans des contre-catalogues, etc., va se mettre en place une immense discussion sur qui est l'auteur de ce tableau, et surtout, est-ce que ce n'était pas plutôt un Allemand? Et on va arriver progressivement, au bout de quelques années, c'est ce qu'on appelle une Kunsthistorica dispute, un débat entre historiens de l'art, un débat entre professionnels, et ils vont arriver à la conclusion qu'il y a cours actuellement, qu'il s'agit d'un tableau de Memling. Donc, on feuillette cette notice, vous voyez que par son simple aspect, avec ses notes en bas de page nombreuses, je n'entre pas du tout dans les détails, on est encore ici, page 4 et 5. Et puis si on continue de feuilleter page 8 et 9, on voit que il y a plein de rubriques, petit A, petit B, petit C, petit D, petit E, etc. Enfin, c'est un texte très scientifique sur les tableaux qu'on a repris, et on va mettre dans les notes en bas de page qui a écrit là-dessus déjà, etc. La réappropriation se passe par les scientifiques, ou c'est un des modes de réappropriation, par les universitaires ou les proto-universitaires de l'époque, par les historiens de l'art qui vont dire « c'est nous qui savons comment parler de tout ça » et on va vous le prouver en faisant un travail très très très très très précis, bien plus précis que ce qu'avaient pu faire les Français autrefois, alors qu'ils en avaient les moyens. Donc beaucoup de notes en bas de page, ceci, cela, tac. On va jusqu'à la page 28-29, deuxième artiste, ouf, donc après 30 pages sur le tableau qui n'est pas de Van Eyck, on arrive à un deuxième artiste, Cranach. Alors là encore, vous vous souvenez, ce qui a été principalement pris dans les collections allemandes, c'est de l'école italienne, de l'école flamande. Et Dominique Vivant-Denon avait cherché des tableaux de l'école allemande, de Cranach, Van Eyck, etc. Il les avait cherchés activement, mais il ne les avait pas trouvés dans ces grandes galeries, il les avait trouvés dans des dépôts ou dans les salles qu'on ne voulait pas trop lui... enfin, où on ne l'emmenait pas spécialement. C'est lui qui les avait activement cherchés. Et quand ces pièces reviennent en Allemagne, c'est elles qui sont devenues les plus porteuses de sens scientifique et politique. C'est elles qui sont mises en avant comme l'art particulier. Et pour... donc, on a Cranach ici. Rubens, la grande école flamande, qui était l'école la plus importante, y compris d'ailleurs avec l'école italienne au musée Napoléon, n'arrive qu'à la page 35. Léonard de Vinci, 75. Et puis notre Corrège, là, n'arrive qu'à la page 76-77. Alors Léda a un long texte et on nous rappelle qu'elle a une nouvelle tête, que Prudhon lui a mis une nouvelle tête. Donc, simplement pour finir, pour conclure sur cette exposition, en un mot, on voit comment, par le passage à Paris, s'est opéré un changement d'attractivité des différentes écoles de peinture, hein, une consécration à une déconsécration de certaines, et en tout cas, la valorisation très forte de l'école de peinture allemande, qui jusque-là, dans les musées, dans la littérature, elle jouait un rôle en Allemagne, mais dans les musées, dans les collections, était pratiquement invisible. Et maintenant, c'est ce qui va être mis extrêmement en avant et soutenu par les scientifiques. Juste pour que vous ayez vu autre chose que des pages de texte qu'on tourne, donc là, Léda et le Cygne, peintes vers 1532, saisies en 1806 à Potsdam sans souci, restituées dès 1814, dans la première fournée, pour ainsi dire. Elles portent le numéro 56 de l'exposition de 1815 à Berlin. Ici, le jugement dernier dont il vient d'être question, donc Memling, attribué en 1815 à Van Eyck, le jugement dernier, peint au 15e siècle, à la fin du 15e siècle, pris en 1807 à Danzig, restitué à la Prusse en 1815, numéro 1 de l'exposition de 1815 à Berlin. Là, le cycle de la Passion de Lucas Cranach, 8 tableaux saisis au Château Royal de Berlin en 1806, que vous voyez ici, donc c'est les différentes étapes de la Passion. Je vous les montre sans les commenter, qui sont des tableaux d'assez petit format, qui forment un cycle et qui n'ont pas été jugés d'assez grande qualité pour être exposés aujourd'hui dans les musées de Berlin. Le Corrège, qu'on vient de voir tout à l'heure, est aujourd'hui exposé à la Gemälde Galerie de Berlin. Ceux-ci ont été réinstallés après coup, sont aujourd'hui dans un petit château de plaisance qui est à la périphérie de Berlin, le Jagdschloss, le château de chasse de Grunewald, je vous le montre aujourd'hui. Il existe toujours et c'est ici qu'on peut voir ces tableaux de Cranach. Je vous montre le fait qu'ils n'ont pas été très mis en scène aujourd'hui, pour vous montrer combien dans l'exposition de 1815, le fait qu'ils occupent la deuxième place parmi les tableaux, c'est on essaie de leur donner peut-être une valeur qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont pas réussi à tenir longtemps, mais simplement parce que c'est l'école allemande qu'on met en avant dans ce contexte-là, ils sont très valorisés. Voilà. Dernier point, et comme nous sommes en retard, je me tiendrai simplement à une nouvelle. Peut-être que certains d'entre vous ont eu des cauchemars ou ont repensé à notre momie, le Zintzik, de la dernière fois. Vous vous souvenez, ces restes humains transportés à Paris, restitués, pour lesquels, voilà une photo des années 90. Attention, personne sensible, donc c'est le Zintzik, une momie, un corps momifié, qui avait été restitué donc en 1815. Et qui avait fait l'objet, vous vous souvenez, de ce dialogue entre le jeune commissaire prussien qui venait la récupérer et Cuvier, le commissaire prussien voulant récupérer ce saint vénéré de manière sacrée par les populations de la région ou du village de Zintzik, près de Trèves, et Cuvier qui répond en gros, j'en ai des dizaines de momies comme ça, reprends-la, elle sert à rien, elle n'a aucune valeur scientifique, laisse-moi tranquille avec ton Zintzik. Et Voilà, pour tous ceux qui y avaient beaucoup pensé toute cette semaine, je tiens à vous dire que maintenant, l'année dernière, le 30 mai 2017, le Zintzik a été enterré. Il n'est plus dans un sarcophage transparent de cette église où il est resté pendant 2 siècles, mais toute la discussion qui est particulièrement vive en Allemagne sur la question du droit qu'on a à montrer des restes humains ou non, de montrer des momies, de montrer aussi des têtes maories et toutes sortes de restes humains, toute cette discussion qui est très vive en Allemagne a probablement conduit les membres de la paroisse donc de Sankt Peter à Zintzig de décider qu'on ne pouvait plus laisser une momie comme ça, un être séché depuis le XVIe siècle, à la vue de tout le monde dans cette église. Et ils ont décidé, lors d'une cérémonie d'il y a 2 ans, le 30 mai 2017, de l'enterrer. J'appelle ça traitement différé pour redire que c'est tout ce dont on parle, ça s'inscrit dans une très longue durée et que les sociétés n'ont pas une assignation fixe pour les objets qu'on leur rend, que cette assignation peut évoluer parce que les mentalités évoluent, parce que les cadres institutionnels, les infrastructures, etc. évoluent, et que tout ça prend parfois très longtemps et que les évolutions ne peuvent pas toujours être prévues à l'avance non plus. Qui aurait pu prévoir en 1815 qu'il faudrait 200 ans avant que Zintzig soit enterré? Sans doute personne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et nous nous retrouvons la prochaine fois pour le temps des musées. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours de Bénédicte Savoie. Aujourd'hui, 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Aujourd'hui, réappropriation plurielle. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Bénédicte Savoie. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « Objet du désir, désir d'objet ». Elle a également publié « Patrimoine annexé, les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800 » aux éditions de la Maison des sciences de l'homme en 2003. Demain, nous poursuivrons notre exploration du moment 1815 en Europe et nous pousserons jusqu'à Berlin en 1830. Bénédicte Savoie nous entraînera à Berlin pour la construction du musée royal. Ce sera le temps des musées. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.